Bonjour. J'ai beaucoup parlé des corps subtils, du systémique, et Monsieur Lévesque là qui me propose des sujets. J'ai mis ça dans mes choses à faire. J'ai une petite serviette pour mes choses à faire. Je l'avais noté sur une enveloppe là, de mon courrier. J'ai fait ça hier. Je me suis dit, bon, je vais trouver le temps. Bien, je trouve toujours le temps. Je vais toujours trouver un petit moment, et puis c'est pas long, ça me prend quelques minutes. Qu'est-ce que l'étude des corps subtils apporte là, de concret pour un optimisme? Ben, si vous comprenez qu'il y a un corps mental et un corps émotionnel, déjà là, ça change beaucoup de choses. Au sens où il y a des gens, par exemple, qui vont être transportés par leurs émotions parce qu'ils ne sont pas centrés, qu'ils ne s'habitent pas, donc ça se répand à l'extérieur et souvent d'une façon inutile. Il y a des dames là, et même des hommes qui vont pleurer, faire des drames pour des riens. Vous avez des hommes et même des femmes qui vont faire des colères là, et tout casser absolument pour rien. C'est parce que il y a un désajustement, il y a un désalignement entre le corps mental et le corps émotionnel. Ils ne sont pas centriques parce qu'il est supposé avoir un alignement qui fait que une structure va être soumise à l'autre. Sinon, c'est les forces montantes là, qui ne sont pas sous le contrôle des forces descendantes, si on peut dire. Il faut qu'il y ait une hiérarchie bien ordonnée, au sens d'une structure harmonieuse. Donc, c'en est ça du systémique. Peut-on l'optimiser pour être mieux dans notre peau? Oui, ça va de soi. Ça va de soi. Si vous êtes centrique, vous vous habitez plus, vous avez plus de présence. Et vous ne serez pas charrié par l'émotivité, là, par exemple. Je prends le corps mental et le corps émotionnel comme exemple parce que ce sont les plus évidents, là. Donc, puis c'est un peu comme si vous avez une voiture et que vous ne vous en servez jamais, que vous ne la connaissez pas, que vous n'avez jamais observé, vous ne vous êtes pas observé en la conduisant non plus, il n'y a pas de présence, il n'y a pas d'observation active. Ben, vous serez mal à l'aise là dans votre voiture pour la conduire. Donc, il y a un parallèle à faire, là, être bien ou pas dans sa peau. Mais quelqu'un qui est bien dans sa peau ne pense pas à ça. Il ne va pas penser à être mieux dans sa peau parce que ça va de soi. C'est comme quelqu'un qui est en bonne santé, il ne va pas nécessairement toujours penser à comment être en meilleure santé. Et puis, avec le temps, c'est là que le mental réflectif en dit long. Et plus une personne est ajustée, plus elle est centrique, et moins elle va réfléchir à ce niveau-là. Elle va être dans une observation active et avoir de la présence. Donc, comme les gens là, qui parlent et qui clignent des yeux à chaque mot, ça en est un manque de présence. C'est un manque de présence au sens où il y a des structures liées à des réflexes et qui ont le dessus. La personne ne s'habite pas, elle n'est pas centrique ou s'habite mal. C'est un peu comme si vous vous répandez autour de vous, et puis ça se voit, là. Quelqu'un qui a un regard exercé va le voir. Donc, ça peut être dangereux au sens si vous passez une entrevue pour un emploi et que vous n'avez l'air de ne pas vous contenir, vous n'avez pas de contenance. Moi, être la personne qui passe l'entrevue, je n'engagerai pas quelqu'un, là, comme ça. Puis, je ne suis pas tout seul, là. Comme ça, donc ça peut être extrêmement utile, là, c'est très pragmatique. L'impact de l'intégration du systémique dans leur fonctionnement, oui, il y a un impact, comme je vous dis, si vous comprenez que le corps émotionnel est censé être juxtaposé sur le corps mental et qu'il est censé avoir, que vous n'êtes pas censé être transporté par vos émotions au jusqu'à un niveau où vous ne vous habitez plus. Oui, ça a un impact, et comme c'est systémique, c'est des lois, ben oui, c'est certain que l'intégrer, ça change tout, là. Les gens vont avoir plus de contenance, ils vont être plus posés, et il y a aussi, là, ça se voit même jusque dans la façon de vivre, dans l'habillement, les gens vont être beaucoup plus calmes. Donc, est-ce que les corps subtils des gens en voie de conscientisation vont être transmutés. Oui, ça va de soi. Ça va de soi. parce que tout ça est relié. Tout ça est relié. Une personne qui faisait des drames pour rien, qui pleurait à rien ou qui faisait des colères et qui finit par se voir, si on peut dire, par une observation active, va s'habiter beaucoup plus, elle devient centrique. Donc, il y a une transmutation au sens où ce n'est pas de la transformation, c'est de la transmutation au sens où une fois que c'est intégré, il n'y aura pas de retour en arrière ou de moins en moins. Car vous prenez comme quelqu'un, par exemple, qui arrête de fumer et qui recommence par après, c'était une transformation, si vous voulez. Mais quelqu'un qui arrête de fumer, qu'il ne refumera plus jamais, là, il y a une transmutation. Il y a une transmutation au sens où le retour vers les anciennes structures est impossible. Quelqu'un qui est conscient n'a pas de pensée dépressive. Quelqu'un qui est conscient ne se suicide pas. Quelqu'un qui est conscient ne va pas boire avec excès. Quelqu'un qui est conscient va être, il s'habite, il devient centrique. Et il n'y a plus là, il ne va plus se répandre dans des choses où il va disperser de l'énergie inutilement. Pourquoi? Parce qu'il a intégré une systémique au sens où d'une observation active, il le voit. Il le voit, il le sait. Donc, c'est intégré. Et il n'y a pas, ça, il n'y a pas à intellectualiser ça. Ce sont des choses qui vont de soi. Et ça ne donne rien là, d'y réfléchir et d'y réfléchir et d'y réfléchir. Ce sont des choses extrêmement simples. Et même d'y réfléchir peut rendre des choses très simples, complexes, inutilement. Ça ne donne rien là, de gaspiller de l'énergie à intellectualiser certaines choses, car c'est très simple. Il s'agit de le voir. C'est tout. Ça fait des. Comme ça, ça aiderait là, au niveau du climat social que certaines lois soient intégrées parce que nous assistons à ce que j'oserais appeler souvent de vulgaires scènes de débordement en société, qu'à ce niveau-là pourraient être évitées. Mais il y a des gens qui sont réactifs, ils seront toujours réactifs, mais si vous êtes en réaction, vous n'êtes pas en action réelle, au sens de une créativité réelle. À ce moment-là, la personne n'est pas le créateur de sa propre voix, si on parle d'une voix de conscientisation, elle est une créature du systémique, parce qu'il n'est pas intégré. Donc, je pense que ça fait quand même le tour là, assez rapidement. Je pourrais en parler plus, mais je trouve que c'est quand même bien, là. Pas besoin d'en parler nécessairement plus longuement. Parce que des fois, c'est mieux là, d'être très clair et d'aller tout de suite à ce qui est le plus évident. Donc, bonne journée.